Section 48 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Laurent Salvetti. Section 48. Chapitre 9. Deuxième partie. Organisation du travail au Moyen-Âge. Suite. Par Arthur Giry et André Reville. Rapport entre patrons et ouvriers. Ce régime économique, si différent de celui qui a prévalu au XIXe siècle, s'en distinguait notamment par les relations de camaraderie qu'il amenait entre maîtres et valets. Autant les rapports sont tendus aujourd'hui entre patrons et ouvriers, autant ils étaient faciles au XIIIe siècle. Le maître s'était soumis à un long apprentissage, il avait vécu de la vie du valet, il ne se contentait pas d'orienter le travail, abandonnant à un contremaître la direction de l'atelier. Les entreprises étaient trop modestes pour cela, le contremaître était un rouage inconnu, et le patron peinait lui-même à côté de ses ouvriers et de ses apprentis, leur donnant ses instructions, leur prêtant son aide manuelle, comme font encore aujourd'hui les maçons, les serruriers et tout ce qui subsiste de petits industriels. Il les recevait à sa table, ils avaient les mêmes joies et les mêmes douleurs, ils se traitaient de père à compagnon. De cette intimité domestique à la camaraderie, il n'y avait qu'un pas. Enfin, la maîtrise était aisément accessible aux valets sans fortune. Les frais d'installation étaient minimes, tout ouvrier laborieux et économe pouvait se flatter de devenir patron. Inversement, les maîtres redevenaient souvent ouvriers, soit par suite de transactions malheureuses, soit pour d'autres raisons. Cette facilité avec laquelle on passait d'un rang à l'autre avait pour effet certain de prévenir un antagonisme systématique. Sans doute, il ne faudrait pas se faire une idée exagérée de ces bons rapports. Il était inévitable qu'à certaines heures, les salariés eussent leurs intérêts distincts. Il y eut parfois des coalitions et des grèves. Les statuts les interdisaient, ce qui prouve qu'ils s'en produisaient, et Beaumanoir déclarait passible de la prison et d'une amende de 60 sous quiconque prenait part à l'une d'elles pour faire hausser les salaires. Cependant, si déjà la paix absolue était une chimère, les conflits étaient rares. On peut dire qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de prolétariat. Monopole des métiers. Chaque corps de métier se réservait l'exercice exclusif d'une profession, au moins dans les villes du Nord. Écarter toute concurrence, tel était son premier souci. Le travailleur se cantonnait dans sa forteresse et la défendait avec passion contre les assaillants. Que personne, disait au XIIe siècle le roi Henri II, ne puisse à Rouen ni dans la banlieue pratiquer le métier des tanneurs, à moins d'appartenir à leur corporation. Ce privilège était de règle. Chacune des seigneuries entre lesquelles se partageait la ville de Paris voulait avoir ses bouchers, mais le corps de la grande boucherie veillait, et plus d'une fois il opposa à ses tentatives une résistance victorieuse. Mais la concurrence pouvait venir du dehors, des producteurs forains. Aussi, les artisans avaient grand soin de se protéger contre ce péril extérieur. Les forains n'étaient autorisés à venir vendre que sur le marché, et seulement à certains jours, d'ordinaire une fois par semaine. Si les drapiers de Paris, soutenus d'ailleurs par le Châtelet et le Prévôt, ne purent empêcher les habitants de Saint-Denis de venir, le samedi, étaler leurs marchandises aux Halles, c'est que le Parlement les débouta de leurs prétentions. 1309. Si les forains tournaient les règlements, bien vite les corporations les forçaient à rentrer dans l'étroite légalité. Ainsi, les boulangers de Corbeil, qui ne pouvaient vendre à Paris que le samedi au marché, ayant conçu l'idée ingénieuse de louer des greniers dans la capitale et d'aller, au jour autorisé, y amonceler une masse de pain que l'on débitait tranquillement le reste de la semaine, les corps des talmeniers protesta auprès de Saint-Louis et les greniers furent clos. Enfin, les marchandises foraines n'étaient admises à la vente qu'une fois visitées et agréées par les prud'hommes de la corporation. C'étaient là des juges intéressés. Les boulangers de Pontoise, refusant au grand dommage du public la plupart des pains apportés du dehors, le Parlement dut intervenir. Tandis qu'ils s'efforçaient d'exclure les forains, les artisans se défiaient aussi des corps voisins du leur. À Amiens, les maréchaux, les forgerons, ne pouvaient vendre ni réparer une clé. Les ébénistes ne pouvaient faire un meuble garni de serrures. C'était l'office des serruriers. Un tailleur ne devait pas raccommoder de vieux habits, ni en fripier en faire de neuf. À chacun sa tâche. Mais les bornes de séparation n'étaient pas toujours bien visibles, et puis les règlements ne prévoyaient pas tous les cas possibles. Certaines querelles sont demeurées fameuses. À quel instant précis un habit devenait-il vieux, et devait-il passer de l'établi du tailleur à la boutique du fripier? Les fripiers de Paris achetaient de vieilles choses, les pliaient, les lustraient, et leur savaient rendre la fraîcheur de la jeunesse au risque de tromper le public. Les chaussiers se plaignirent. Seuls, désormais, ils eurent le droit de mettre leurs vêtements sous la presse et de les étaler dans leur boutique, tandis que les fripiers durent suspendre leurs marchandises à des clous. De même, les lormiers, qui vendaient des mors, des brides, des éperons, des étriers, intentèrent des procès aux bourreliers qui remettaient à neuf de vieux freins et de vieux étriers, et aux selliers qui, pour n'avoir pas à acheter ces mêmes objets, s'avisaient de les fabriquer. Les bourreliers ne furent plus autorisés qu'à faire de menues réparations à ces produits, et quant aux selliers, s'ils conservèrent le privilège de transformer les mors et les étriers, de les river, de les fixer au sel, ils durent, au préalable, les acheter aux lormiers. L'un des plus jaloux et des plus arrogants d'entre les métiers était celui de la draperie. Il eut d'incessants démêlés avec les foulons et les teinturiers. Qui avait qualité pour juger du mérite des étoffes? Était-ce les drapiers qui les fabriquaient, ou les foulons qui les paraient et leur donnaient la dernière main? Le Parlement, en 1270, décida que ce soin serait confié à des commissions mixtes. Les drapiers avaient-ils le droit de teindre leur propre tissu? Non pas, disaient les teinturiers, qui proposaient en vain de fondre les deux corporations. Les drapiers répondaient à l'attaque en faisant teindre hors de Paris. Le prévôt dut intervenir pour rappeler les uns et les autres au respect des traditions. 1291. Partout surgissaient les mêmes conflits. À Saint-Denis, c'étaient les foulons et les teinturiers qui se querellaient. À Provins, l'hostilité réciproque des foulons, des drapiers et des tisserands fut telle que chacun de ces métiers refusait d'agréer comme apprenti le fils ou le parent d'un maître affilié à l'une des deux autres corporations. Ces querelles étaient interminables. À peine calmées, elles renaissaient, et certaines d'entre elles se prolongèrent des siècles durant, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Sans la Révolution française, on discuterait encore sur les droits respectifs des tailleurs et des fripiers. Certaines corporations pouvaient imposer leurs services à des clients qui ne demandaient qu'à s'en passer. Après l'offre privilégiée, c'était la demande forcée. Tels étaient les crieurs de vin de Paris, qui avaient pour profession d'aller soir et matin dans les carrefours, un broc et une coupe à la main, et de faire goûter du vin aux passants, en annonçant la demeure du marchand et ses prix. Le tavernier leur devait 4 deniers par jour. Or, celui-ci ne pouvait refuser leurs offres de service. S'il ne voulait pas dire son prix, les crieurs le demandaient aux buveurs attablés. S'il refusait de les recevoir, il pouvait offrir le vin au prix du roi, et ensuite le cabaretier était obligé d'en vendre à ses conditions. Les mesureurs de blé, les jaugeurs, d'autres encore jouaient de prérogatives aussi impérieuses. Réglementation du travail. La notion de liberté était étrangère à ce régime économique. Hors de la corporation, il n'y avait point de liberté. Au-dedans, il n'y en avait pas davantage pour l'artisan. Celui-ci, en effet, se voyait astreint, dans son labeur quotidien, à une discipline rigoureuse. Il était tenu en lisière par les statuts du métier, qui prescrivaient à l'avance les conditions du travail et jusqu'aux procédés de fabrication. Nul ne devait ouvrir le dimanche ni les jours fériés. Les fours à pain devaient s'éteindre le samedi soir à l'heure où l'on allumait les chandelles, ce qui faisait au total une centaine de jours de chômage chaque année. Le travail de nuit était généralement prohibé, au moins dans toutes les professions exigeant de l'attention à une certaine délicatesse de main. Car, disait un règlement d'Amiens, l'œuvre qui est faite per nuit n'est ni bonne ni léale. On ne faisait exception à cette loi qu'en faveur de certains métiers faciles ou de certaines opérations qui ne duraient pas moins de 24 heures consécutives, comme les fontes. La technique elle-même était réglementée, soumise à un contrôle permanent. L'artisan devait constamment surveiller la production de ses ouvriers. Tous travaillaient au grand jour, sous les yeux du public. L'orfèvre et le serrurier devaient avoir leur forge dans leur boutique. Le tailleur ne pouvait coudre ailleurs que sur l'établi dressé près de sa fenêtre. C'est que la corporation se défiait de l'artisan, de ses tentations, de ses fraudes intéressées, de sa paresse. Elle craignait qu'il ne trompât l'acheteur inexpérimenté et, dans cette pensée, elle multipliait les précautions. À Amiens, un serrurier n'osait pas faire une clé sans avoir la serrure entre les mains. On interdisait aux bouchers de souffler leur viande, de vendre de la chair de chien, de chat ou de cheval. À Paris, l'on recommandait aux uns de ne pas mettre une vieille serrure à un meuble neuf, aux autres de ne pas orner les couteaux en os de garniture d'argent, de peur qu'ils ne voulussent les débiter comme des couteaux d'ivoire. Défense également de tisser des étoffes mélangées de fil et de soie, ou, si parfois on l'autorisait, c'est à condition que le fil fût bien apparent. Quelquefois même, les règlements prévoyaient jusqu'au détail de la fabrication, la quantité d'alliage d'or que le batteur devait mettre dans ses feuilles d'argent, le titre du métal des orfèvres, la façon dont les patenotriers devaient enfiler les grains d'un chapelet, la longueur et la largeur des étoffes et la qualité de la trame. La vente aussi était l'objet de prescriptions minutieuses. Il fallait donner bon poids et bonne mesure. L'étoupe et le suif étant moins coûteux que la bougie, une ordonnance voulut que, sur 4 livres de bougie, il n'y eut pas plus d'un quarteron de mèche. À Paris, dans la plupart des corporations, aucun objet ne pouvait être mis en vente avant d'avoir été examiné. La marchandise, reconnue bonne et loyale, recevait la marque du métier. Reconnue fausse et mauvaise, elle était saisie ou brûlée. Le coupable était condamné à une amende, souvent élevée. Sa boutique pouvait être fermée pour quelques jours. Parfois même, il était irrévocablement exclu de la communauté. Ces prescriptions, quoi qu'on ait dit, se justifiaient pleinement. Ce n'était pas seulement l'intérêt du métier, de sa bonne réputation, qui les dictait. Le monopole dont jouissait la corporation lui faisait un devoir de veiller sur le travail des artisans. La réglementation sévère était le corollaire, la légitimation du privilège. Seulement, on renouvelait bien souvent les mêmes recommandations. Or, les lois qu'on est forcé de rappeler sont celles qu'on n'observe pas. De plus, les juges en ces matières étaient eux-mêmes artisans. L'esprit de corps, la camaraderie, les poussaient à excuser des fautes que peut-être ils commettaient eux-mêmes. Enfin, nous savons à n'en pas douter que souvent, les marchandises de ce temps furent mauvaises et fausses. La corporation des cristalliers et pierriers interdisait à ses membres d'user de verre coloré en guise de pierre précieuse, et cependant il s'en trouve en abondance dans la plupart des bijoux de cette époque. Les prédicateurs aussi rapportaient en frémissant les ruses des gens de métier. Ici, une maudite vieille frelate le lait. Ailleurs, on dépose une nuit durant sur la terre humide le chanvre ou la filasse pour en augmenter le poids. Là, un marchand rougit, à l'aide de sang de porc, louit décoloré de ses poissons. « Voilà 7 ans, disait un client à un boucher, dans l'espoir d'obtenir un rabais, que j'achète ma viande seulement chez vous. »« 7 ans, répondit l'autre, et vous vivez encore ?» C'est une boutade sans doute, mais les traités de technique industrielle que le Moyen-Âge nous a laissés en assez grand nombre sont remplis de curieuses recettes relatives aux fraudes, et il est positif que si l'on vendait l'or espagnol à un prix élevé, C'est parce qu'il y entrait, disait-on, de la poudre de basilic. Qu'était-ce que le basilic? Une bête des plus rares que l'on obtenait en plaçant deux coqs dans une fosse. Il produisait un œuf qui, couvé par un crapaud, donnait naissance à ce fameux animal. Autonomie de la corporation. Cette organisation sacrifiait la liberté économique de l'individu. Il devait se conformer dans sa carrière, dans son labeur quotidien, aux exigences de son métier. Mais ces exigences, c'était la compagnie elle-même qui les décrétait. Chacun de ses corps, en effet, jouissait d'une grande autonomie. Il légiférait, s'administrait, était presque indépendant. Ce régime pouvait se résumer d'un mot, l'artisan asservi dans la corporation libre. Tout métier, il est vrai, était subordonné à un seigneur, que ce fût un chevalier, une église, un monastère ou une commune. Mais le plus souvent, sa domination se réduisait à une façon de suzeraineté, en vertu de laquelle il devait certains droits lucratifs, exerçait une juridiction dont il touchait les revenus. Quelquefois même, cette sujétion était une pure théorie, imperceptible dans la réalité. Souvent, il est vrai, les grands seigneurs se dépouillaient de ces prérogatives en faveur de tel ou tel favori ou d'un de leurs officiers. À Paris, la plupart des métiers relevaient du prévôt du roi, qui jouait le rôle d'un président d'honneur et d'un juge, installant les magistrats, percevant quelques redevances. À Reims, le vidame de l'archevêque possédait des privilèges analogues. Fréquemment aussi, à l'origine, les souverains concédaient aux artisans qui travaillaient pour eux le droit de basse justice sur les gens de la même profession, et quand, plus tard, quelques-uns de ses bénéficiaires devinrent de grands officiers, ils conservèrent ses juridictions et ses pouvoirs. C'est ainsi que le grand panetier du roi jugeait les boulangers de Paris. Le grand chambrier, en sa qualité de maître de la garde-robe royale, jouissait de certains droits sur plusieurs corporations, touchant à la confection et au commerce des vêtements, fripier, gantier, cordonnier, sellier. Le premier maréchal de l'écurie vendait des lettres de maîtrise dans toutes les professions où l'on travaillait le fer, et percevait 6 deniers parisis sur chaque forgeron. De même, les chansons étaient le patron des marchands de vin, le grand bouteiller des cabaretiers. Les barbiers et les charpentiers relevaient du barbier et du charpentier du roi. Mais la plupart de ces grands maîtres se contentaient des bénéfices attachés à leur dignité et ne pénétraient pas dans la corporation. Elle était laissée à elle-même. Nombre de métiers avaient non pas reçu, mais rédigé leurs statuts, et tous avaient le droit de les modifier. Le seigneur, le patron, se bornait à homologuer leurs décisions. La corporation nommait ses magistrats, juges et surveillants professionnels, de sorte qu'en définitive, elle se jugeait et se surveillait elle-même. Bien plus, en certaines communautés, celles entre autres des celliers de Paris, le corps entier était appelé à prononcer dans les cas litigieux les plus graves. Enfin, chacune de ces associations était considérée comme une personne morale, pouvait acquérir, aliéner, se faire représenter en justice par procureur. Quelques-unes même avaient le droit de sceau. Il y avait là d'extraordinaires garanties d'indépendance collective. Seulement, ces droits n'étaient pas également distribués entre tous les membres du métier. Les apprentis n'y avaient aucune part, et personne ne parlait en leur nom dans l'assemblée. Quant aux ouvriers, ils y figuraient, mais au second plan. S'ils s'associaient peut-être aux délibérations et aux grandes décisions, ils ne jouissaient que par exception du droit de vote, quand il s'agissait de nommer les magistrats. C'étaient ainsi les patrons qui, dans ces réunions, avaient voix prépondérante. Administration du métier. L'administration du métier était confiée à des chefs, qui dans le Nord étaient désignés sous les noms variés de jurés, gardes ou gardeurs, maîtres, élus, prud'hommes, et qui dans le Midi s'appelaient bailes ou consuls. Leur nombre variait de 1 à 12, mais d'ordinaire ils étaient 2 ou 4. Parfois ils formaient 2 collèges différents, l'un de magistrats proprement dit, concentrant tous les pouvoirs entre leurs mains, l'autre de simples surveillants, assesseurs des premiers. Les bouchers de la grande boucherie, au-dessus de leurs jurés, qu'ils nommaient chaque année, élisaient à vie un maître du métier, président et contrôleur perpétuel, plutôt que juge effectif. Les foulons choisissaient deux gardes parmi les patrons et deux autres parmi les valets. Les tisserandes de couvre-chef ou modistes désignaient trois prudes femmes, les tussutiers de soie, trois maîtres et trois maîtresses. Ces dignitaires procédaient toujours, quoi qu'on en ait dit, de l'élection, et l'on a cru à tort que le prévôt de Paris créait arbitrairement des gardes jurés. En réalité, il instituait seulement les candidats que la corporation lui présentait, et le seul privilège réel qu'il possédât était de les pouvoir révoquer. Le mode d'élection variait, et parfois les prud'hommes sortants nommaient leurs successeurs, ou tout au moins les membres du collège électoral, mais le plus souvent c'était à la communauté réunie en assemblée que ce droit appartenait. Le premier devoir de ces prud'hommes était de visiter les ateliers, d'inspecter le travail, de contrôler la qualité des objets fabriqués. Pour être moins attendu de l'artisan, il ne craignait pas, à l'occasion, de le réveiller au milieu de la nuit. Comme il soulevait parfois des résistances, même des violences, il pouvait se faire assister de sergents. Les jurés bouchers demandaient aux écorcheurs de leur prêter main forte. Les gardes possédaient ensuite des pouvoirs judiciaires. S'ils découvraient une œuvre déloyale, ils opéraient la saisie et dressaient un procès verbal. Le cas était jugé et la sentence était rendue soit par les prud'hommes eux-mêmes, soit par un officier public, mais d'après leur rapport. Dans le premier cas, ils faisaient fonction de juge, dans le second, de juré. Ils avaient de plus qualité d'arbitre pour trancher les différends qui s'élevaient entre gens de leur métier. Ainsi, le Moyen-Âge connaissait déjà les tribunaux professionnels, et dans l'exercice de son industrie, l'artisan relevait de ses pairs. Les prud'hommes, enfin, présidaient à l'administration du métier, aux épreuves de l'examen et du chef-d'œuvre, convoquaient les assemblées et représentaient la corporation dans ses transactions et ses affaires contentieuses. Ils géraient les biens de la compagnie, faisaient rentrer les revenus qui pouvaient être abondants et provenir de sources diverses. Droits d'apprentissage, de maîtrise, amendes, legs et donations. Taxes d'exception dont les artisans frappaient leurs marchandises pour payer des frais imprévus, comme ceux d'un procès par exemple. C'est ainsi que les tisserands de Paris, endettés de 660 livres, établirent sur chaque pièce de drap un droit de 12 deniers parisis, jusqu'à pleine libération. À l'aide de ces ressources, ils subvenaient aux dépenses communes, qui étaient parfois, comme on va le voir, d'une nature très élevée, très charitable. Le dimanche, un seul orfèvre travaillait à Paris, et ce qu'il gagnait ce jour-là était enfermé dans une boîte spéciale. Dans cette même boîte, tous les orfèvres mettaient le denier à Dieu de ce qu'ils faisaient d'affaires. Avec l'argent ainsi rassemblé, ils offraient chaque année, à Pâques, un dîner aux pauvres de l'Hôtel-Dieu. Les tapissiers de Paris sarrasinois distribuaient aux nécessiteux de la paroisse des Innocents la moitié du total des amendes qu'ils percevaient. Les monnayeurs de Paris fondèrent une léproserie. Les cuisiniers consacraient le tiers des amendes à soutenir les anciens du métier devenus indigents. Les fabricants de courroies élevaient les orphelins sans ressources de la corporation. Mais la plus remarquable de ces entreprises fut celle des courroyeurs de robes de verre à Paris, qui créèrent une véritable société de secours mutuel pour venir en aide à ceux d'entre eux que la maladie réduisait au chômage. Conditions économiques de l'artisan. On voudrait pouvoir pénétrer dans la vie économique de ce temps, savoir ce que le patron, ce que l'ouvrier gagnait, et ce qu'il leur fallait pour vivre. Sur ce point, il faut se résigner à l'ignorance, au moins pour le XIIe et le XIIIe siècle. C'est à partir du XIVe seulement que les documents deviennent abondants, que l'on peut entrevoir le budget de l'artisan, et encore les recherches faites dans cette voie sont-elles trop fragmentaires pour qu'on puisse en formuler les résultats. Tout au plus est-on autorisé à croire que les prescriptions et les tendances corporatives qui faisaient tomber dans le domaine commun toute invention nouvelle, qui appelaient tous les maîtres au partage des mêmes faveurs, des mêmes aubaines, qui les groupaient en étroites associations, maintenaient entre eux une certaine égalité de fortune. Qu'en interdisant le cumul de plusieurs professions, en faisant rares les sociétés de commerce, en limitant leur champ d'action au marché d'une seule ville, les métiers avaient pour effet de rendre les grandes initiatives à peu près impossibles, qu'ils empêchaient les producteurs entreprenants de se hausser au-dessus de la masse. Et quant aux ouvriers, il y a lieu de penser que les patrons pouvaient, sans se ruiner, les payer assez cher, parce que les objets industriels se vendaient à un prix très élevé et que les commerçants ne se faisaient pas alors d'âpre concurrence. Comme d'autre part, le nombre des ouvriers était indirectement limité et qu'il n'y avait point de machines pour déprécier les arts manuels, les salaires ne baissaient point. Enfin, comme le patron et le valet travaillaient tous deux de la même manière, de leurs bras, également ignorants, également dénués de capitaux, entre le bénéfice du premier et le salaire du second, il n'y avait pas d'écart énorme. En Flandre, au XIVe siècle, le drapier qui groupait trois artisans de son atelier gagnait deux fois plus que chacun d'eux, et non davantage. En un mot, point de grandes fortunes industrielles, aisance à peu près égale de divers maîtres d'un métier, part considérable prélevée sur le produit de la vente par les salaires des ouvriers. Tels furent probablement les traits marquants de cette condition économique. Jugement sur la corporation au Moyen-Âge. La corporation dans son ensemble a été longtemps l'objet des jugements les plus sévères. L'histoire, équitable et réfléchie, a compris aujourd'hui qu'un régime comme celui-là, qui a duré de longs siècles, devait avoir de fortes raisons de vivre. Il était à coup sûr entaché de criants défauts, il étouffait la liberté personnelle, excluait les solitaires, mais les monopoles ont-ils disparu de nos jours? Il provoquait des haines de métier, des querelles byzantines qui nous font sourire. Mais les brevets d'invention ne donnent-ils pas lieu encore à d'interminables procès? Sans doute, sous prétexte d'assurer la loyauté des produits, il encourageait la routine et maintenait les marchandises à un taux élevé, au grand dommage du public. L'artisan n'était pas incité à chercher, à découvrir, puisque toute la communauté allait immédiatement s'approprier ses inventions, et les prud'hommes d'ailleurs devaient témoigner peu de faveur au génie, qui risquait de les troubler dans leurs habitudes, qui les menaçait dans leurs intérêts personnels. Mais d'abord, n'exagérons point, et rappelons-nous qu'au moins, en ce qui touchait aux industries d'exportation, les diverses villes étaient en concurrence entre elles, et que tous les artisans d'un même métier avaient solidairement le plus grand avantage à perfectionner leur technique pour vaincre leurs rivaux du dehors. Ce qui prouve d'ailleurs que les progrès n'étaient pas impossibles et qu'il y en eut beaucoup de réalisés. Et d'autre part, le régime de la concurrence aiguë, qui déchaîne des crises mortelles, qui glorifie les forts et tue les faibles, même courageux, quelles qu'en soient les vertus, est-il exempt de défauts? En regard de ces erreurs économiques, que de principes, discutables peut-être, mais d'un caractère élevé ou bienfaisant, et que l'on ne saurait plus dédaigner. Garantie du travail à qui en vivait, et de la propriété industrielle à qui la possédait. Une certaine indivision du travail, qui faisait des ouvriers complets et préparait de futurs maîtres. Le patronat accessible à tous les travailleurs. Des épreuves et des stages pour constater la capacité des artisans. Suppression des intermédiaires parasites entre le producteur et le consommateur. Effort tenté pour maintenir la loyauté du commerce. Fonctionnement régulier d'une juridiction professionnelle. Solidarité de la famille ouvrière et assistance aux indigents du métier. Rappelons-nous surtout les circonstances parmi lesquelles la corporation se développa. Aux travailleurs des villes, isolés et faibles, en face du seigneur armé, de l'église disciplinée et puissante, l'association s'ouvrait comme la voie du salut. Par elle, il parvint à la liberté collective, la seule qu'on put alors conquérir. Il atteignit à un haut degré d'influence. Aux privilèges d'autrui, il opposa les siens, et c'est à l'abri de cette cuirasse que les classes laborieuses purent se développer et s'enrichir. N'oublions pas, enfin, que les gens de ce temps ne pensaient pas comme nous, que les lisières de la corporation ne les gênaient pas, et que, loin de trouver ces règlements trop étroits, ils s'efforçaient de les rendre chaque jour plus précis. Aussi, ne plaignons pas l'artisan du XIIIe siècle. Il affectionnait son métier, qui était sa force, son asile, sa fierté. Les confréries. À côté de leur métier, les artisans formaient des associations d'un caractère religieux. C'étaient les confréries. Elles ne se confondaient pas avec les corporations. Dans la confrérie, point de monopole. cela seul y entrait qui le désirait. Tous les membres jouissaient des mêmes droits. Le plus souvent, mais non toujours, une confrérie comprenait tous les maîtres d'une profession. En se groupant ainsi, les artisans avaient pour but de se livrer en commun à des pratiques de dévotion. Chacune de ces communautés se plaçait sous l'invocation d'un saint qui était le patron du métier et dont elle prenait le nom. Les charpentiers honoraient Saint Joseph, les orfèvres Saint Éloi, les boulangers Saint Pierre, les jardiniers Saint Fiacre. Elle célébrait des offices religieux, se rattachait à une église et y entretenait une chapelle qu'elle enrichissait de ses offrandes. Une fois par semaine, la confrérie de Saint-Brieuc faisait dire la messe en l'honneur de son protecteur. Tous les lundis, le service divin était célébré à Notre-Dame, devant les images des saints Crépins et Crépiniens pour les cordonniers. Le jour de la fête patronale, il y avait grande cérémonie. Au nom des bouchers de la grande boucherie, un crieur parcourait les rues, annonçant le lieu et l'heure de la réunion. Et les confrères, en beaux amis, se réunissaient à l'église pour entendre la grand-messe, augmentée parfois d'un sermon et d'une procession, et suivie de vêpres. L'association avait aussi pour but de rendre les devoirs suprêmes à ses membres défunts. Quand l'un d'eux venait à mourir, tous les autres devaient prendre part à ses obsèques. À Soissons, quand un tailleur rendait le dernier soupir, les quatre compagnons les plus voisins de sa demeure veillaient le corps toute la nuit, et le lendemain, toute la confrérie assistait au service et à l'enterrement. Si le mort ne laissait pas de quoi se faire ensevelir, elle faisait les frais du linceul et des cierges. La confrérie de Saint-Paul, à Paris, donnait quatre torches, quatre cierges, la croix, le poêle, et le lundi après le décès, elle faisait chanter la messe, avec diacre et sous-diacre, pour le repos de l'âme du défunt. Ces sociétés pieuses et funèbres ne redoutaient pas de s'égayer à l'occasion. La fête patronale, commencée à l'église, se terminait souvent par un festin de corps, à la suite duquel les libations, s'il faut en croire les plaintes répétées du clergé, se prolongeaient bien avant dans la nuit. Mais il faut reconnaître à l'honneur de ces communautés que la charité tenait aussi une grande place dans leurs préoccupations, à tel point que dans le midi, elle portait souvent le nom de Caritate. Celle de Saint-Paul, à son repas de corps, réservait 15 places aux nécessiteux, les faisait asseoir à côté des membres les plus riches et servir les premiers. Dans la même circonstance, les drapiers envoyaient à chaque pauvre de l'Hôtel-Dieu un pain, un morceau de bœuf ou de porc et une panne de vin, et les prisonniers du Châtelet recevaient même quantité de pain et de viande avec double ration de vin. Tous les indigents qui se présentaient trouvaient un pain ou une bonne maille. Parfois, ces confréries se transformaient en sociétés de secours mutuels. Le tailleur de Soissons qui tombait malade était soutenu aux dépens de la caisse commune. Ces associations étaient souvent onéreuses à l'artisan qui devait acquitter un droit d'entrée et payer des cotisations. Mais il ne regrettait pas ces largesses qui lui assuraient pour l'au-delà les services funèbres et pour ici-bas de belles fêtes et de franches lipées. Il était fier de sa confrérie et s'y attachait comme à son métier. Mais l'Église redoutait ces congrégations demi-religieuses qui échappaient à son autorité directe et qui furent, à plus d'une reprise, des foyers d'indépendance dogmatique et d'hérésie. Elle leur fit une guerre implacable. Les humiliés de Milan, qui furent excommuniés au concile de Vérone en 1184, se divisaient en deux classes. La première composée de prêtres commerçants, la seconde formée de sœurs et de frères ouvriers. Au concile de Reims, en 1157, saint Bernard dénonçait les erreurs des tisserands et faisait de ce nom le synonyme de cathare. Poursuivis, les confréries se transformaient en sociétés secrètes et il devenait presque impossible de les extirper. Supprimées à plusieurs reprises, notamment par Philippe le Bel, elles renaquirent sans cesse et se perpétuèrent jusqu'au temps moderne. Conclusion. Ce fut en résumé une lente et mystérieuse histoire que celle du commerce et de l'industrie au Moyen-Âge. Écrasée sous l'écroulement de l'Empire romain, comprimée par le triomphe des barbares, imparfaitement ranimée par l'Église, la production subit le sort de la société tout entière. Elle se morcela, devint rurale, et chaque domaine fut un petit monde économique, condamné à l'isolement, à la servitude, aux heures de misère. quand l'horizon de nouveau s'étendit, quand l'ordre public fut rétabli, l'échange se réveilla. Des routes percèrent l'Europe et l'industrie, sollicitée, reprit lentement son essor. La vie économique, chaque jour plus intense, s'organisa, non en vertu d'un caprice, mais selon d'inéluctables nécessités. Les villes, silencieuses et mornes durant les premiers siècles du Moyen-Âge, renaissent, grandissent et se multiplient. Les trafiquants, comme aujourd'hui encore dans les bourgs d'Orient, s'y groupent par métier. Tel quartier est habité par les merciers, telle rue par les orfèvres. Les boutiques sont petites, sombres et nombreuses. Point de noms, de ventures, point de réclames écrites. Les marchands parlent aux yeux et suspendent au-dessus de leurs portes de lourdes enseignes bariolées qui grincent au vent et menacent la sûreté du passant. Chapeaux, gants, peaux de fer, animaux fantastiques. Les voies sont étroites mais animées. Encombrées d'éventaires, de commerçants et de marchandises, de charrettes et de ballots, de crieurs recommandant ce qu'ils offrent ou faisant valoir avec conviction les mérites d'un fabricant du voisinage. Et si la ville est grande et peuplée, si elle est un centre de foire, le marché est un foyer de transactions où les étrangers se pressent. La production est active, elle se développe et s'affine. La civilisation s'est reconquise et l'œuvre de la Renaissance se prépare lentement. L'histoire économique est trop négligée d'ordinaire, car c'est elle qui explique souvent les grandes révolutions d'autrefois. L'histoire du travail est la trame secrète du passé. Fin de la section 48.